À l'occasion du 17e anniversaire de la publication de l'historique déclaration commune du 15 juin, Choi Il-min, représentant de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste et ses collaborateurs, ont visité le 9 juin le monument à la triple charte pour la réunification de la patrie.